qui vient de nulle part et qui va nulle part. Il la reconstitue lorsqu'elle passe à travers lui-même. Il lui donne une nouvelle face. Autrement dit, il crée des formes de plus en plus harmonieuses, de plus en plus en relation avec les lois de cette énergie. Et c'est ce qu'on appelle la civilisation de la Nouvelle Jérusalem. L'éther. Le monde parallèle. Les gouvernements supérieurs, les gouvernements invisibles. Et c'est le but de l'homme, c'est la fonction de l'homme, d'élever la vibration de l'intelligence afin de lui permettre de soustraire constamment les anciennes constructions pour permettre constamment de nouvelles constructions. C'est pourquoi l'homme ne peut pas entrer dans l'intelligence s'il ne vit pas la désinstitutionnalisation des formes en lui. Quel que soit le prix, il devra le vivre. Le prix ne sera jamais dicté par l'homme. Le prix sera dicté selon les conditions de son évolution, selon l'évolution de l'âme, selon le rapport entre l'âme et l'ego, selon la spiritualisation parfaite sur le supramental, sur le plan supramental de l'ego. Autrement dit, les conditions de son évolution dicteront s'il peut parfaitement transformer, sortir de la programmation antique de son savoir pour entrer dans une nouvelle énergie qui lui dictera quoi créer, comment créer, quoi faire. Alors l'homme doit s'habituer à la solitude. L'ego doit rapatrier ses biens. Mais quels biens? Non pas les biens que lui a offert le social, mais les biens qu'il n'a jamais connus, qui sont enfouis dans le sol de lui-même, sous les couches profondes créées par l'institutionnalisation. Des biens qui font partie de sa propre énergie, des biens qui font partie de son essence. L'homme doit connaître la solitude, et il la connaîtra. Parce que ce n'est que dans la solitude réelle, je ne parle pas de la solitude psychologique, ce n'est que dans la solitude réelle que l'homme s'effondre, l'homme de la cinquième race s'effondre, il tombe à genoux. Et tant que l'homme de la cinquième race n'a pas tombé à genoux devant les formes de l'institutionnalisation, il n'a pas compris le faux rapport qu'il avait avec ses formes parce qu'il n'a pas bien appris à en comprendre la nature. Il croyait dominer ses formes. L'homme ne domine pas les formes, elles le dominent. Et pour qu'il réalise que les formes le dominent, il doit un jour être abattu. Autrement dit, tomber à genoux devant le spectacle moribond de la forme. Et ensuite se relever, mais dans une stature nouvelle, une stature où il vit la grande solitude, où il vit la grande plénitude du vide, où il vit dans la conscience parfaite de son intelligence grandissante. Et ceux qui vont vers cette expérience le savent ou le sauront. Et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne pourront pas aller vers cette expérience le sentiront quelque part au cours de la vie. Mais la vie ne peut pas attendre l'homme. Parce que la vie n'est pas faite pour le bénéfice de l'homme. L'homme est fait pour le bénéfice de la vie. Et c'est justement lorsque l'homme réalise qu'il est fait pour le bénéfice de la vie qu'il se sent seul. Parce qu'on lui a fait croire pendant des siècles que la vie était pour son bénéfice, soit la vie matérielle ou soit la vie spirituelle. Alors, si la vie était faite pour son bénéfice sur le plan matériel, il devenait romain, Et si la vie était faite pour son matériel spirituel, il devenait ecclésiaste. Mystique. Et l'institutionnalisation de la forme dans la vie de l'homme est universelle, elle est mondiale, et elle descend dans tous les raccoins de son expérience de tous les jours. Et elle se faufile dans les structures philosophiques et psychologiques de ses sciences. Et comme il croit à ses sciences, il absorbe automatiquement en lui la poussière de l'institutionnalisation. L'homme ne peut pas vivre deux vies. Une irréelle et l'autre réelle. Il faut qu'il vive une ou l'autre. Mais ce n'est pas lui qui a le choix de vivre une ou l'autre. Le choix se fait de par son stage évolutif, de par sa capacité interne, de par sa sensibilité, de par son intelligence naturelle qui grandit, de par son rapport avec la lumière. Et la lumière, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une formule mystique. Le mot invoque le mysticisme, l'astralité spirituelle. Il y en a qui me rapportent qu'ils ont vu dans l'astral de la lumière. Ce n'est pas ça de la lumière. Ça, c'est l'image de la lumière. La lumière, ça ne se voit que d'une façon, que par les yeux de l'âme, mais jamais par les yeux de l'esprit. Parce que l'âme ne vit pas dans la forme. Et lorsque la lumière descend dans les mondes, elle doit prendre une forme. Et ce qui est vu par elle ou d'elle est vu au niveau de la forme. Et seulement lorsque l'esprit est dans l'intelligence, peut-il comprendre la forme de la lumière. Mais qui voit la lumière, c'est l'âme. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme? L'homme n'en a pas encore le secret. Parce que l'homme n'a pas encore vécu. Ce n'est que lorsque l'homme aura vécu qu'il verra avec les yeux de l'âme. Mais pour vivre, il doit mourir à la forme. Il doit sortir de l'institutionnalisation de la forme, de sa volonté sur lui. Il doit être seul. L'homme ne peut vivre que s'il est seul. Un homme ne peut jamais vivre à deux, même s'il a une femme. Il doit vivre seul et elle doit vivre seule et leur solitude ensemble forme le vrai partnership. On m'en parle du couple comme si c'était une pilule. Le fameux couple. La reconstitution du couple, la révision du couple, le couple revisité. Toutes sortes de formules pour accoupler des individus qui ne sont pas seuls. Le couple, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une formule sexuelle ou astrale. Le couple, c'est une condition de vie dans l'esprit pour le bénéfice de deux personnalités dans la matière. Mais si ces deux personnalités ne sont pas dans l'esprit, ce n'est pas le couple de vie qu'ils connaissent, c'est l'accouplement. Et on n'accouple que les animaux. Quand ils viennent, qu'ils vont venir me voir et ils vont dire ouais, ça, ce que tu dis, ça, je sais ça depuis longtemps. Il n'y a rien de neuf. Puis le pire, c'est que c'est vrai. Ils savent depuis longtemps. Et tout ce que j'ai dit aux gens depuis le début de mon travail, ils savent depuis longtemps. Tout le monde, vous le savez tout depuis longtemps. Tout le monde. J'ai rien. Il n'y a rien de neuf dans ce que je dis. C'est pas des grandes théories, ce que je dis. C'est toute de la niaiserie. Fait que tout ce que je dis, tout le monde le sait depuis longtemps. Ça, c'est un point de fait. Mais le deuxième point, c'est que même si vous le savez depuis longtemps, vous vous comptez des blagues depuis longtemps. Fait que ça vous a jamais servi ce que vous savez depuis longtemps. Fait que si vous venez me voir et vous me dites « je le sais depuis longtemps », moi, je sais que vous savez depuis longtemps. Puis je suis content, puis c'est normal. Tous les gens le savent depuis longtemps. Seulement au stage où on en est rendu, il ne s'agit plus de venir me dire que vous le savez depuis longtemps. Il s'agit de vivre ce que vous savez depuis longtemps. C'est ça que je veux dire. Tu comprends? Ça va pour tout le monde. Je prends un exemple, là, parce que c'est arrivé d'ailleurs. Mais ça va pour tout le monde. Il y en a un, guess on est ouais, maudit. Il y en a un qui vient me voir, je ne dirai pas qui, là. Il est en amour qu'une femme. C'est normal qu'un homme veuille vivre d'amour qu'une femme. Non, on va pas rentrer dedans. Puis là, sa blonde, sa femme, est en famille. Il y a des chances qu'elle n'accouche, tu comprends? Fait que là, ça le chicote, ça. Ça le fatigue qu'elle soit en famille. Là, il est pris entre... Il est pris entre le petit et la femme. Fait que moi, j'ai dit, bon, si elle est en famille, tu veux pas d'enfant, il fallait qu'elle s'avorte. Il veut pas qu'elle se fasse avorter. Fait que là, je suis allé le voir et j'ai dit... Tu prends l'enfant en otage. Tu veux qu'elle ait le petit pour l'avoir, elle. Pour la garder, pour pas avoir des années petits, ça fait le lien plus fort. Mais si elle se fait avorter, là, le lien est moins fort. Puis il y a une partie, il y a quelque chose en nous autres, il y a quelque chose en nous autres. Puis ça, c'est dans tous les hommes. Tous les hommes ont en eux la réponse à une situation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vous vous niaisez. Vous vous jouez des games, puis vous croyez à vos games, puis après ça, vous vous plaignez que vous êtes pogné avec des situations que vous auriez pu complètement éviter, mais que vous n'avez pas évité parce que vous n'aviez pas les reins assez forts, parce que vous aviez peur de perdre quelque chose. Puis c'est ça, c'est sur ça que je veux parler. Moi, je vous garantis que si vous vivez votre vie ou si vous vivez dans la vie et que vous faites des mouvements parce que vous avez peur de perdre quelque chose, vous allez perdre ce que vous avez peur de perdre et vous allez avoir des maudites tensions en plus. C'est une illusion de l'ego, ça, d'avoir peur de perdre quelque chose. Puis c'est comme ça que vous vous mettez vous-même la corde au cou. Tout le monde le fait. C'est viscéral. On a peur de perdre quelque chose. Puis c'est une maudite mauvaise habitude qu'on a. Elle est crevante, cette habitude-là. Moi, je connais un couple parmi vous autres. Ça ne marche pas dans une couple. La femme a décidé de prendre son bord. Elle s'est réaccouplée. Le bonhomme a pâti pendant un certain temps. Puis un jour, il s'est réveillé. Puis il est allé de son bord. Il s'est fait une compagne. Puis aujourd'hui, l'ancienne femme, son ancienne femme, est accouplée. Puis lui est accouplé. Puis les deux sont réaccouplés. Puis les deux sont bien un peu. Les deux sont bien. Mais l'autre, il avait la chienne de le faire. On a peur de perdre. Puis ce qu'on réalise pas, c'est qu'on est obligé de perdre quelque chose pour avoir d'autres choses. C'est une loi de la vie, ça. Que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau matériel, que ce soit... Si tu veux avoir une autre maison, il faut que tu déménages. Ben non, ils veulent pas déménager. Ensuite, vous allez venir me voir et vous allez me dire, je le sais depuis longtemps, ça. Je le sais que tu le sais, mais Christ, tu l'as jamais fait. Fallait. Puis on est tous de même. Autrement dit, on se laisse mener par nos sentiments puis nos émotions, mais on ne vit pas de notre intelligence. Puis on a peur que si on vit de notre intelligence, on va souffrir. On ne peut pas souffrir quand on vit notre intelligence. Mais quand on vit de nos émotions, on souffre parce qu'on se crée des conditions qui s'accumulent, puis qui s'accumulent, puis qui s'accumulent, puis qui s'accumulent. On retire des intérêts de nos souffrances. Je suis suffisamment en contact avec vous autres, assez souvent, pour que vous soyez rendus à un stage où vous puissiez commencer à comprendre ce que je veux dire. Si vous comprenez pas ce que je veux dire, rendu au stage-là, après tous ces mois pis ces mois-là, c'est triste. Je demande pas que vous compreniez tout ce que je veux dire. Si ça prend des changements vibratoires et puis comprendre le développement de l'intelligence, ça implique des changements vibratoires. C'est très simple, l'intelligence. Mais quand ça passe par l'émotion, c'est plus simple. Moi, quand même, je vous dis une chose. C'est évident, moi, je vous donne des évidences. Je vous mets face à des évidences. C'est avec le temps que vous en arrivez à pouvoir vivre ça, parce que vous êtes obligé de vivre par expérience ce que je vous dis verbalement. Vous pouvez pas traduire directement dans votre expérience ce que je vous dis, c'est impossible. Ce serait bien trop facile. Si les gens pouvaient comprendre instantanément ce que je dis, vous le comprenez par votre intellect, vous savez que ça a bien du bon sens. Vous pouvez dire, ben oui, je savais ça, je pensais à ça, il y a bien des années. Mais de là à le vivre dans votre vie au niveau vibratoire, c'est un autre pain de manche. C'est un autre pain de manche. Apprenez à les reconnaître, vos émotions. Les liens que vos émotions vous imposent sur votre activité. Apprenez à les reconnaître. Arrêtez de vous jouer des games. C'est évident que votre réaction instantanée, lorsque l'émotion s'occupe de votre vie, ça va être d'avoir peur de perdre quelque chose. Tu vas avoir peur de perdre ta femme, tu vas avoir peur de perdre ta job, tu vas avoir peur de perdre ton char, tu vas avoir peur de perdre tes culottes, tu vas tout avoir peur de perdre quelque chose. Puis le pire, c'est que tu vas perdre ta femme anyway, puis ta job anyway, puis ton char anyway. Fait que le problème n'est pas dans la perte. On paye, on avance. Le problème est dans la compréhension de ce qui se passe. C'est normal qu'on perde quelque chose pour avoir d'autres choses, mais c'est pas une perte, c'est un changement. Tu changes de femme, tu changes de maison, tu changes de job. Tu perds rien. Je souhaite pas que les gens changent de femme, mais quand t'es pas dans la bonne maison, tu changes de maison, mais quand t'es pas dans la bonne femme, t'en prends une autre. Là, il y en a qui vont partir et qui vont dire que je t'apprends à détruire le mariage. Le monde, il rend... Le monde... Bonne affaire que j'entends rien et j'écoute pas, moi, parce que le monde, il renverse tout ce que je dis. C'est pas ça que je dis. Tu sais, je dis... C'est effrayant. Les gens m'arrivent avec des histoires, j'y crois pas. C'est pas croyable. Là, c'est rendu, je commence à me penser simpliste. Les gens ont des vies compliquées, tu jureras que c'est des présidents de monopole. Moi, j'aime bien écouter vos histoires, mais changez le scénario. Arrêtez de vous conter des histoires. C'est ça que je veux dire. Vivre d'intelligence, c'est trancher une situation. L'intelligence, c'est tranchant. Il n'y a pas de polarité dans l'intelligence. C'est ça, puis c'est ça. Mais pour vivre de ça, cette énergie-là, faut de la volonté. Puis si tu n'as pas de volonté ou t'en manques, mais l'émotion rentre en jeu. Fait que ton petit, tu le gardes, là, t'es accroché. Puis là, tu penses que ta blonde, tu vas la garder parce que le petit est là. C'est une situation temporaire. Et on n'est pas au 19e siècle. Ouvrez-vous une mienne. C'est effrayant. Moi, j'aime ça vous parler. J'en fais assez de Josette. Mais je pourrais pas faire ça longtemps. Puis j'ai lu le mécanisme. Il est simple, le mécanisme. Arrêtez de vous compter des blagues. On a toujours peur de perdre quelque chose. Puis ça, c'est une illusion fondamentale de notre ego. On a peur de perdre quelque chose. Le gars, il a peur de perdre la dent quand tu vas voir le denturologue. Dentiste. Mais il faut qu'il perde la dent. On est toujours... C'est un mécanisme. C'est viscéral avec lui. On a peur de perdre quelque chose. Puis quand ça tombe dans le domaine de l'amour puis des sentiments, c'est encore pire parce qu'on veut pas être tout seul. Il y a bien des femmes en terre puis il y a bien des hommes. C'est pas absolu, le mariage. Les couples. Quand vous serez réellement accouplé, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Mais tant que vous n'êtes pas réellement accouplé, vous pouvez vous attendre à des rebondissements d'humeur. C'est normal. Si vous n'avez pas, tant mieux. Mais c'est tellement une mauvaise habitude, ça, pour nous autres, d'avoir peur de perdre quelque chose. Perdez-la votre crise de job! Moi, c'est pour ça que je donne pas de conseils au monde. Parce que les gens vont me dire, je devrais-tu lâcher ma job ou non? Si je disais oui, avant que vous soyez prêts, vous auriez des tensions. Fait que je ferme ma gueule. Fait que je donne jamais de conseils à personne. Je dis, tu verras. Tu vas perdre pareil, oui. La vie, c'est un film. Ça change tout le temps, les images puis les images. Non, vous autres, vous voulez voir l'image fixe sur le screen. Marche pas de même. Peur de perdre. La peur de perdre. Puis quand vous allez comprendre ça, quand vous allez savoir vivre sans la peur de perdre, vous allez savoir et vous allez commencer à comprendre qu'est-ce que c'est être libre. Parce que c'est des liens. Vous pouvez pas vivre avec des liens. Vous pouvez vivre avec une personne unie dans l'esprit, mais c'est pas des liens, ça. C'est des conditions de vie, ça. Ultime. Parfait. Et ainsi de suite. Les liens, c'est au niveau du plexus solaire. Juste au-dessus de la bédaine. Puis de la bidonne. Comprenez les dons, une fois pour toutes. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir peur de perdre. Vous allez vous empoisonner, automatiquement. Si vous avez peur de perdre, vous empoisonnez. Il y a des gens qui ont peur de perdre. Là, je prends la situation des couples, parce que c'est là qu'il y a le plus de sentiments. Je pourrais prendre au niveau des jobs, de la religion, ça sera la même chose. Mais c'est pas autant le fun. Il y a des gars là qui ont peur de perdre leur femme ou les femmes qui ont peur de perdre leur mari ou des blondes ou vice-versa. Là, il y a en chienne. Là. Qu'est-ce que ma faire? Ils sont tous troublés. Là. Toi, t'as passé à travers de ça. C'est bien. C'est fantastique. Voilà. Tu parles à quelqu'un qui comprend ce que je dis. Tout d'un coup, il y a un jour, là, il y a un beau cheval blanc qui vient se parquer à côté. Il déménage. Là, la bonne femme, elle s'aperçoit, là, aussitôt qu'elle a vu le cheval blanc, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus autant peur. De temps en temps, elle regarde par la fenêtre pour voir si le cheval blanc est là. Il est là. Mais de temps en temps, elle descend en bas des hauts, poup, elle rencontre le cheval blanc, puis dit bonjour madame, chapeau, la grande révérence. Elle a assez hâte qu'il parle. Mais aussitôt qu'il a parlé, là, elle ne pense plus à son mari. Là. Elle n'a plus la peur de perdre son mari. Là, là elle a l'angoisse de toucher au cheval blanc. On joue des maudites games. Tant qu'il n'y a pas de cheval blanc, là, on a peur. Parce qu'on vit avec un inconnu. Mais aussitôt qu'on le voit, l'inconnu, je te jure qu'on a hâte de le rencontrer. Là, là, on se déinstitutionnalise tout d'un coup. Tout tombe. Puis c'est pas long, les culottes aussi. Faut être réel. Ce que je veux dire, c'est qu'on joue des games. Puis c'est quand il y a un élément qui renforcit notre game, que là, on est willing de plus avoir peur. Mais tout d'un coup, que ton cheval blanc ne vient pas avant 4 ans, là, tu vas être pogné pendant 4 ans à te torturer. Il y a des femmes qui sont belles, c'est évident qu'un cheval blanc, ça se rencontre vite. Mais ceux qui ont des bosses dans le dos, puis qui ont un pas de croche, sont obligés d'être plus patients. Ça viendra dans le temps qu'elle rencontre un gars qui a pas de croche puis qui a une bosse dans le dos, puis là, on se rend. Chaque torchon trouve sa guenille. Mais faut être patient. Puis après ça, mais quand c'est dans l'esprit, on les voit plus, les boss. Mais d'ici à ce temps-là, vous êtes mieux de checker votre acte. Prenez des cours de conduite. Là, là, vous allez me dire, non, c'est vrai, ça, vous faites le site pilote. C'est vrai. Je le sais que vous le savez. Les gens ne sont pas idiots. S'il y a un homme qui a du respect pour l'homme, c'est bien moi. Mais s'il y en a un qui veut être là, c'est moi pareil. Ils me disent qu'on est obligé, avec le temps, d'en arriver à être capable de ne jamais avoir peur de perdre. N'importe quoi. Que ce soit une maison, que ce soit n'importe quoi. Parce que ça, si on dépasse pas ça, on est lié à la vibration émotive qui nous empêche d'être dans notre intelligence. Puis c'est pour ça qu'on peut pas être bien dans notre peau. On se crée une fausse joie. Puis tu peux pas vivre d'une fausse joie. Fait que si tu rencontres une femme ou un homme, ça marche, t'as du fun, correct, t'es bien. Bon, ça remplit ton vide in the meantime. Mais si t'es obligé de mettre des conditions pour qu'elle reste avec toi, c'est pas bon. Tu peux pas mettre de conditions dans la vie. Faut pas qu'il y en ait de conditions. Puis on vit notre vie sous conditions. Nos vies sont vécues sous conditions. On a un loyer, c'est sous conditions. On a une job, c'est sous conditions. On peut pas vivre sous conditions. C'est impossible. Si on vit sous condition, on perd de l'énergie, puis on perd de l'énergie, puis on perd de l'énergie, puis on perd de l'énergie. Puis ensuite, vous vous demandez pourquoi est-ce que rendu à 50, 60 ans, vous êtes totalement végétatif. Vous n'êtes plus en vie. Je comprends. Vous vivez votre vie sous condition. Puis quand je vous le dis, vous vous fâchez. Vous voulez me casser la gueule. Faut pas avoir peur de perdre quelque chose. Jamais. Puis moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est des mots que j'entoie, mais un jour, vous allez le savoir vibratoirement. Puis quand vous allez le savoir vibratoirement, vous allez comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Vous ne le comprendrez pas d'ici à ce temps-là, parce que c'est l'expérience qui va vous amener à ça, parce que vous êtes obligé de faire des mouvements pour en arriver à comprendre ça. C'est pas la psychologie et la philosophie, ça. Moi, je vous dis des choses, je vous donne des points de référence pour demain, mais demain, vous allez comprendre ce que je voulais dire par votre propre expérience. Puis tant que vous n'en arriverez pas à vivre ça, vous ne comprendrez pas. Ça se comprend pas, ça. Ça se réalise comme ayant du bon sens. Mais c'est dans l'expérience qu'on saisit le réel. Pas par l'intellect. On est obligé de faire des mouvements dans la vie. C'est une suite de mouvements, la vie. Il y a des gens qui se bloquent de vivre parce qu'ils ont peur de perdre. C'est une barre qu'ils mettent sur la porte. La porte, elle s'ouvre pas pantoute. Qu'est-ce que tu dis, toi, si tu lâches pas ta pitonne, que t'en rencontres pas un autre avec lequel tu vas avoir encore plus d'entretien? Puis là, tu vas être encore pris dans l'illusion qu'il faut que ce soit cette pitonne-là. Là, tu voudras pas en perdre. Puis qui c'est qui dit que t'en trouveras pas un autre après avec lequel tu vas avoir encore plus d'entretien, et ainsi de suite? Jusqu'à temps que tu trouves ta pitonne. Avec laquelle tu as un entretien parfait. Mais faut que tu lâches les autres avant. Ça, c'est dans le domaine des sentiments, parce que c'est dans le domaine des sentiments qu'on vit le plus. C'est pour ça que je prends l'expérience là, à l'intérieur des relations humaines. Les gens dans la société d'aujourd'hui ont peur de perdre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils se mettent la corde au cou, puis la corde au cou, puis la corde au cou, puis la corde au cou, à tous les niveaux. Économiquement, matériellement, spirituellement, psychologiquement, ils s'institutionnalisent. On peut pas vivre de même. Il faut que l'homme, il faut qu'on le fasse, le saut. Alors, il y a des expériences qui viennent, puis il faut qu'on le fasse, le saut. Puis c'est quand qu'on le fait, le saut, que c'est pas sur la roche qu'on a tombé, on a tombé dans l'eau. On a tout au peu à se fracasser. Puis ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas de volonté. C'est pour ça qu'on n'a pas de volonté, puis c'est pour ça que notre vie est difficile, puis c'est pour ça qu'on a des tremblements intérieurs, puis c'est pour ça qu'on souffre. Il n'y a absolument rien dans la vie de l'homme que l'homme ne peut pas changer. Absolument rien. Il n'y a personne qui va me faire croire ça. Rien. Il n'y a absolument rien. Mais on est tellement étouffé que l'air, on ne peut plus le respirer. Fait que tu coupes les couvertes, t'étailles les morceaux. Faut que tu le passes, le ciseau. On ne veut pas le passer, le ciseau. Pardon? Parce qu'on n'est pas sûr, exactement. On n'est pas sûr. Puis pour devenir sûr, il faut faire le coup. Il faut qu'on le fasse. On est obligé. T'es obligé de passer le ciseau pour voir ce qu'il y a de l'autre bord. Sans ça, tu verras jamais ce qu'il y a de l'autre bord. Faut que tu rouvres la porte pour voir ce qu'il y a de l'autre bord dans l'autre chambre. Sans ça, tu le verras jamais. C'est là notre souffrance. Puis je comprends le monde quand les gens disent qu'ils sont pas sûrs. Vous avez entièrement raison, mais faut qu'on devienne sûr. Fait que moi, je vous explique comment ça marche. Mais je peux pas le vivre pour vous autres. Je comprends si vous gueulez, ça vous, c'est normal. C'est une réaction émotionnelle, c'est normal. Moi, je peux y prendre vos engueulades. Seulement, faut que vous autres, vous en arriviez à être sûr pour être bien dans votre peau. Pour fonctionner de votre propre gaz à vous autres. Mais on est institutionnalisés. On vit de ça. C'est dans nos pores de peau. C'est tout partout. Quand ils disent, les anciens, ils disent, oui, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, mais il y a du vrai là-dedans. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je vous le dis, je vous dis tellement de choses. Puis quand je vous le dis, c'est pas au niveau psychologique que j'essaie de vous le faire comprendre, de vous le faire réaliser. C'est vibratoirement. Moi, je sais ce que vibratoirement ça fait dans l'homme quand il a peur de perdre. Je sais vibratoirement ce que ça fait dans l'homme quand il fait ci. Je sais vibratoirement ce que ça fait dans l'homme quand... Parce que l'homme, c'est de l'énergie. On est énergie. Mental, c'est de l'énergie. L'émotion, c'est de l'énergie. Le physique, c'est de l'énergie condensée. Mais on parlera pas du physique. Mais le mental puis l'émotion, c'est de l'énergie. Fait que quand on réalise qu'on est au niveau de notre esprit, de l'énergie, c'est rendu grave, nos attitudes, parce que nos attitudes conditionnent cette énergie-là, et cette énergie-là conditionne notre vie. Moi, j'appelle ça, je dis qu'éventuellement, ça crée des nœuds. Ça crée des nœuds, puis c'est dur à briser des nœuds. Puis quand l'énergie passe, puis elle pète le nœud, qu'est-ce que ça fait? Le gars éclate, le gars fait tous les temps, le gars se fâche, le gars veut tout renverser. C'est normal, parce que le nœud a éclaté, mais après ça, il chante, puis il chante, puis il chante, Puis genre, éventuellement, mais il arrive dans son atmosphère, puis il respire son propre oxygène. Là, il est bien. Il n'y a plus de conseils à demander à personne, il n'y a plus rien à demander à personne, il fonctionne par lui-même. C'est un beacon, le gars. C'est de même, faut qu'on vive. Faut qu'on les désinstitutionnalise, nos sentiments. J'ai donné une clé aux femmes que je peux pas faire en public pour des raisons. Mais en privé, dans un séminaire, j'ai donné aux femmes une clé leur disant, si vous vivez l'avortement, il n'y a rien là. Je l'ai détruit pour vous autres, la forme, pour vous faciliter le passage à un autre genre de vie que je peux pas faire pour le public parce que le public est dans la forme et les institutions doivent être respectées. Le travail qui se fait, ça se fait au niveau individuel, c'est pas au niveau collectif. Fait que ça permet à des femmes, une fois d'avancer puis de rentrer dans leur intelligence puis au moins de finaliser ce problème-là. Les hommes, c'est la même chose. Mais les clés que je vous donne, faut que vous les viviez. Vous pouvez pas simplement les percevoir au niveau de votre intellect. Faut que vous les viviez, faut que vous le sachiez intérieurement que c'est ça. Vous pouvez pas vivre accroché à ce que je vous dis. Faut que vous viviez puis que vous compreniez ce que je vous dis par votre propre expérience. Dans le cadre de votre propre intelligence, après ça, vous allez être comme du monde, vous allez être bien. C'est vibratoire, ce que je vous dis. Quand je vous dis quelque chose, ça a une implication vibratoire, pas psychologique. Le psychologique, ça m'intéresse pas. C'est ce que la compréhension vibratoire de ce que je vous dis dans votre expérience qui est importante. Fait que si je vous dis qu'il faut que vous en arriviez à ne pas avoir peur de perdre quelque chose, que ce soit n'importe quoi, c'est essentiel, c'est une grande clé que je vous donne. Une grande clé, une des grandes clés de l'homme pour vous permettre de déinstitutionnaliser les valeurs qui font de vos émotions une boue dans laquelle vos pieds ne peuvent pas sortir. Je peux pas vous faire comprendre la valeur de ce que je vous dis par les mots, c'est impossible. S'il y a un raccordement dans ce que je vous dis, vous dites, ben oui, je savais ça, je comprenais ça en même temps, ben tant mieux. Au moins, ça montre que vous l'aviez déjà, cette intelligence-là. Mais il faut que vous le viviez. Puis plus vous avancez dans la conscience, ben moins vous avez de choix, parce que la conscience va vous amener à vivre ce que je vous dis, dans son temps à elle. C'est pas une voie, la conscience, c'est un chemin. Toutes les voies mènent au chemin, puis le chemin, il est universel, puis il est inéluctable, c'est rigidement parfait, puis c'est le même. Mais c'est dans votre expérience que vous allez réaliser que c'est le même. Mais je peux pas vous mettre dans le driver's seat, moi. Je suis pas un maître spirituel pour vous mettre dans le driver's seat. Faut que vous puissiez savoir. Il y en a une qui vient de voir, elle me dit, ma mère est malade à 92 ans, patati patata. Bon, OK. Là, mon patron m'a donné tant de temps off pour prendre soin d'elle. OK. Là, dans la famille, il y en a qui peuvent l'aider, puis là, ils ont leur responsabilité, patati patata. OK. Là, elle dit, je devrais-tu continuer à l'aider? Faut qu'elle sache par elle-même si elle devra continuer à l'aider ou non. C'est par sa propre intelligence à elle. Mandez-moi pas conseil à moi. Si les vibrations entre vous et votre mère sont bonnes, puis si vous pouvez l'aider, puis si vous avez des conditions en dehors du travail qui vous permettent de l'aider, puis si vous crevez pas de faim parce que vous l'aidez, autrement dit, si vous pouvez l'aider parce que vous avez en vous du sur quoi, faites-le, c'est normal. C'est ça de l'intelligence. Tu l'aides pour 2 semaines, tu lui donnes des pilules, elle te remet debout, elle te remet sur ses pieds, puis elle continue à vivre encore quelques années. Mais il faut que vous sachiez par vous-même. Mais peur de perdre quelque chose va vous mener inéluctablement vers une plus grande douleur. Inéluctablement. Parce que vous allez renforcer en vous la vibration de votre corps astral. Puis éventuellement, vous allez ruminer dessus. Vous ne pourrez pas en sortir. Puis ensuite, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous vous sentez étouffé. Vous vous mettez une corde autour du cou tous les jours. Puis au bout de la semaine, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous êtes étouffé. C'est normal. Puis ensuite, vous venez me voir, moi, et vous dites « Enlève-moi dans ma corde. Je peux pas vous l'enlever, la corde. Parce qu'elle est dans vous autres. » Si vous voulez que je fasse. C'est un mécanisme intérieur émotif d'avoir peur de perdre quelque chose. Puis on l'a tout, ça. On est tous vaccinés par cette affaire-là. On vit naturellement dans l'insécurité parce qu'on n'a pas de main. Mais quand on a l'intelligence, ben on l'a le demain. Quand je dis que l'homme qui va vers le supramental est obligé de perdre constamment, jusqu'à temps qu'il soit suffisamment stabilisé dans ses corps qu'il n'y a plus besoin de perdre. Mais vous allez être obligé de perdre. Vous allez être obligé de perdre ce qui vous empêche d'être conscient. Ce qui vous empêche d'être intelligent, vous allez être obligé de le perdre. C'est inévitable. Si vous ne le perdez pas parce que vous mettez un âge dedans, vous allez le perdre d'une autre façon, seulement ça va être plus long, mais vous allez le perdre pareil. Moi, je vous parle de l'énergie du champ d'intelligence. Il y en a très peu qui savent qu'est-ce que c'est la vibration. Cette vibration, cette énergie-là, qui vit dedans. Quand tu commences à vivre là-dedans, tu fais plus ce que tu veux. Ah, tu fais plus ce que tu veux. C'est elle qui run. Elle rentre petit à petit, elle fait son chemin petit à petit. Mais inquiète-toi pas qu'après un certain nombre d'années, c'est elle qui run. La conscience. L'intelligence. Elle t'amène à t'harmoniser avec elle, pas elle s'harmoniser avec toi. Elle n'est pas intéressée à ton toi. Parce que ton toit n'est pas réel. Fait que si vous avez peur de perdre votre char, puis votre maison, puis votre femme, il ne s'agit pas d'être niaiseux, puis vendre, pas ça je veux dire. Faire comme les spiritualistes, là, les gourous, là, les gouzous. Ils n'ont même pas une scène sur un clendac, puis ils partent en avion. Parce que l'affaire, le principe de pas avoir peur de perdre quelque chose, c'est directement lié à quatre choses. C'est lié à notre avenir. Pour rentrer dans notre avenir, il faut qu'on sorte du passé. Puis si on a peur de perdre, on ne peut pas rentrer dans notre avenir.